attendu la corde. Je descends de la pente sans rappel. Je monte un four avec ma horde. Au rez-de-chaussée de la tour de Babel. La chance passe au parloir. Qu'elle fasse pas de promesses parce que elle aime stress. On fait fuir les chats noirs. Je suis un trip sans plot, je suis un MS13. Le succès n'est pas la main. Je les ai dans d'autres plus vite par ici. À soigner le mal par le mal. J'éteins, j'ai fait fumer par ici. J'ai commencé le boulot tout en bas. Nique la répute, j'investis grave. Quand je crevais, tout le monde regardait. Je grattais des échantes pour les bicraves. Laisse-moi niquer ma vie si j'ai envie. Laisse-moi niquer ma vie si j'ai envie. Laisse-moi niquer ma vie si j'ai envie. Laisse-moi niquer ma vie si j'ai envie. Une soirée, un combat, une soirée, un combat, on rebe, rebe là. Une soirée, un combat, une soirée, un combat, on rebe, rebe là. Une rebe, une renoie, si l'ennemi veut de moi, mon rebe, rebe là. Une rebe, une renoie, si l'ennemi veut de moi. Sur ma vie, tu fais la voix off. Chaque fois, je te croiserai, y'a bagarre. On fera la paix autour d'un tchof. Au Radisson Blue à Dakar. Tu deviens gros, tu manges trop tes haïs là où la trahison résonne. Plus personne change de clan, j'ai nécro, j'prends le clan et le ruinard blanc de blanc. Le père Noël, l'OPJ, la juge, toutes ces salopes font pas de cadeaux. J'viens du 9-3, j'ai grandi dans le bas, j'veux la carrière, guerre à Bado. J'me sens seul à 10, à 100, à 1000, j'repile même quand l'équipe s'arrache. J'veux que la rue même comme Tupac, une place à mon boss comme Massa de la rage. Laisse-moi niquer ma vie, si j'ai envie. Laisse-moi niquer ma vie, si j'ai envie.